le moment de la semaine où on rencontre Raymond Poirier, chargé de communication à l'Institut technologie de l'information et société, l'ITIS. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Cette semaine, encore une fois, plusieurs sujets à nous parler, toujours en lien avec les technologies de l'information. D'ailleurs, j'ai hâte qu'on parle de santé. Ben oui, enfin, on se lance avec des questions de santé. C'est bien actuel, il faut le dire, Tania, parce que au moment où on se parle, incessamment, il y aura implantation dans la métropole du Québec, donc à Montréal, du dossier de santé du Québec. Donc, ça se fait progressivement depuis déjà quelques temps. Il y a déjà eu un déploiement qui a été amorcé dans la région de Québec en avril 2010, puis en octobre 2011, Lanaudière, l'Estrie. Et donc là, avec Montréal, on parle de 3,4 millions de dossiers qui vont être constitués à terme pour les habitants de ces quatre régions québécoises-là. Et donc, dans la région de Montréal, on parle du branchement de 320 cliniques, dont des groupes de médecine familiale, des cliniques réseau, de 428 pharmacies, de plusieurs laboratoires également. Alors, ça va se faire très bientôt, si ce n'est déjà commencé. Et donc, c'est une étape un peu cruciale dans l'informatisation du réseau de santé québécois. On sait qu'il y a déjà des projets qui sont en cours, mais ça, c'en est un qui est extrêmement structurant, qui est extrêmement important. Et donc, on est bien content de voir passer en phase 4, là, si on peut dire. Mais je ne sais pas si tu as la réponse, mais il y a des pubs ces temps-ci qui passent de quelqu'un qui arrive en ambulance et là, on n'a pas les informations parce que sa femme est en dehors de la ville. Et dans la deuxième version, on a les informations qui s'affichent à l'écran. Est-ce que c'est la même chose? Bien, en fait, toutes les informations médicales peuvent être retrouvées sur ce dossier-là. Okay. Normalement, donc effectivement, ça permet d'aller faire un traitement là, de choc ou encore là, de faciliter aussi des suivis entre les différentes instances. C'est certain aussi qu'il y a d'autres projets qui sont déjà en place ou qui sont déjà en phase de projet pilote au Québec. Dans la région de Québec, on parle notamment de téléprésence dans les ambulances. Il y a des projets de télépathologie, etc., etc. Donc, c'est vraiment... tranquillement, des petites réformes qui se font, qui sont très importantes, qui sont pas nécessairement extrêmement publicisées à ce stade-ci, mais qui représente une transformation quand même assez fondamentale du système de santé. Et face à ça, je me suis demandé quelle est un peu la réception des médecins et des gens qui travaillent dans le milieu de la santé face à ces modifications-là, oui, au Québec, oui, au Canada, mais également à l'international. Et je suis tombé notamment sur une étude assez intéressante d'une firme qui s'appelle Accenture, qui, eux, remarquent que de manière générale, et c'est très positif, là, il y a une majorité des médecins qui s'accordent sur les bénéfices des systèmes d'information en santé, qui estiment que les nouvelles technologies permettent un meilleur accès à des données de qualité pour la recherche clinique, une meilleure coordination de soins, une réduction des erreurs médicales. Et de manière générale, là, les médecins de moins de 50 ans sont les plus nombreux à penser que les systèmes d'information de santé contribuent à améliorer la santé du patient, la rapidité des soins, à diminuer le nombre d'erreurs médicales. Dans 8 pays qui ont été sondés, donc l'Allemagne, l'Angleterre, l'Australie, le Canada, l'Espagne, les États-Unis, la France et le Singapour, on parle de 72% des médecins de moins de 50 ans qui estiment que les dossiers de patients informatisés, que les espaces numériques en santé permettent d'améliorer la coordination entre établissements et services, 73% qui estiment que les technologies offrent un meilleur accès à des données de qualité pour la recherche clinique, etc. Donc on voit de manière générale que les médecins de moins de 50 ans sont très favorable à ces initiatives-là. Quand on regarde, par contre, les médecins de plus de 50 ans, là, le pourcentage baisse, mais il ne baisse pas tant que ça non plus. Non. Et donc, c'est pas si négatif. Finalement, on parle de 65 à 68% qui perçoivent les mêmes avantages que je viens de mentionner. Donc, c'est une chute d'à peu près entre 7 et 8% là, selon la statistique qu'on retient. Au Canada, c'est un peu le même portrait d'ailleurs. Là, en ce qui concerne les médecins canadiens en particulier, 61% d'entre eux jugent que les technologies permettent un meilleur accès à des données de qualité. 58%, et là on parle de tout âge, là, 58% qui estiment que ça permet une meilleure coordination des soins. 60% des participants estiment que ça réduirait les risques d'erreurs médicales. Et 56% qui disent que ça permet d'améliorer la santé des patients. Par contre, en revanche, on parle de 39% des médecins canadiens qui considèrent que les TI accélèrent la vitesse d'accès aux soins, 47% qui estiment qu'elles réduisent le nombre d'interventions et de procédures non nécessaires. Donc, il y a quand même encore du travail de pèlerin à faire pour continuer de convaincre les médecins ici et ailleurs de la nécessité de ce type de changement-là. Mais ce qu'Accenture souligne, et ce qui est assez positif aussi, c'est que la perception positive des technologies est directement corrélée cellulaires à leur usage. Donc, plus les médecins utilisent les technologies, plus... Ils se rendent compte que c'est pratique. Exactement. Plus ils se les approprient, et plus il y en a d'autres qui les voient faire et qui disent, ben oui, moi, je vais faire comme lui, ça a l'air de marcher, et qui se les approprient aussi. Donc, ça devient très facile, entre guillemets, de faire un effet, de créer des effets boule de neige un peu là-dedans. Et donc, plus un médecin utilise les fonctionnalités des dossiers patients informatisés ou des espaces numériques, plus il est positif, plus il est convaincu, plus il en parle, plus il en convainc d'autres, etc. Et Raymond, j'imagine que quand on parle de technologie de cette manière-là, on parle de téléphone intelligent, on parle aussi de tablette, ben, peut-être plus de tablette que de téléphone. Là. Mais les deux quand même, en fait, parce que, veux pas, il y a des endroits où on peut amener le téléphone mais où la tablette ne vient pas. Alors, il y a une question de format et de plus en plus, il faut dire, dans la vie de tous les jours, et on en parle de temps à autre dans le cadre de la chronique, on utilise le téléphone intelligent dans une variété d'actions de notre vie personnelle. Et donc, ça devient naturel de l'intégrer dans notre vie professionnelle. Et évidemment, les médecins sont des gens comme tout le monde. Donc, eux aussi, dans une marge quand même assez importante, commencent, et voire même l'intègrent tout court dans leur activité professionnelle. En fait, il y avait une étude du Manhattan Research qui avait été réalisée auprès de 2000 praticiens américains qui disait qu'il y avait 72% des praticiens qui utilisaient le téléphone intelligent dans le cadre de leur travail. Ça devrait monter à 81% en 2012. En France, un baromètre d'un centre spécialisé sur le support de l'information médicale, le CESIM, indiquait qu'il y avait 30% des généralistes, 36% des spécialistes qui étaient équipés de téléphones intelligents. Et il y a des chiffres comme ça qui montrent que, de manière générale, soit ils sont bien intégrés, soit ils sont en phase de bonne intégration. Et on a remarqué aussi dans les études qu'il y a un peu deux usages qui sont retenus. Donc, d'un côté, il y a la fonction administrative. Donc, l'idée, par exemple, qu'il y a un GPS, donc on peut se déplacer plus facilement vers le patient, on peut être joignable en permanence par courriel. Il y a la fonction dictaphone aussi qui est très appréciée. C'est mieux qu'un Padget. C'est mieux qu'un Padget. Et parallèlement, il y a la pratique médicale aussi, des nouvelles fonctionnalités pour visualiser des radiographies, des scans, des pans entiers de leur pratique clinique quotidienne à l'hôpital ou en cabinet qui sont disponibles sur mobile. On parle d'accès à des bases de données de médicaments, de recommandations officielles, encyclopédie médicale, surveillance d'un patient à distance, illustration de cas cliniques, etc., etc., etc. Donc, il y a énormément d'applications qui sont développées pour les médecins et il y a donc de plus en plus d'employés, autant des médecins que des employés en général, infirmiers, infirmières, d'autres types de praticiens, du personnel de soutien qui demandent aussi l'intégration dans le système. Évidemment, quand on dit d'intégrer des nouveaux appareils dans un système comme le système informatique en santé, ben il y a des risques aussi. Donc, on ne peut pas non plus se lancer à bras raccourcis là-dedans. Il faut bien calculer les choses, il faut bien voir venir pour contrebalancer les risques sur la sécurité du système, notamment au niveau de virus informatique, d'accès malicieux, etc. Et donc, les choses se font aussi, là, progressivement. J'ai été assisté à quelques conférences où, notamment, on disait, ben, regardez, on a commencé à intégrer l'iPhone, les iPads, parce qu'on sait qu'il y a un gros contrôle qui est fait par Apple au niveau de son App Store, notamment, et de ses applications, ce qui fait qu'il y a moins d'infections virales qui sont... présente dans ce type d'appareil-là. Donc, tranquillement, ceux-là sont intégrés. Mais par contre, dès qu'on parle d'appareils Android ou autres, eh bien là, c'est une autre paire de manches. Comme il y a moins de surveillance, mais ça devient plus difficile de bien les sécuriser. Il y en a d'autres qui disent, ben, regardez, s'il y aurait peut-être moyen d'avoir un téléphone fourni par, il y a même des hôpitaux qui en fournissent des iPads ou des iPhones et autres, à leurs praticiens qui disent, ben ça, c'est votre téléphone dans le cadre du travail. Celui-là, il est sécurisé. Il ne sort pas de l'hôpital ou très peu. Et vous avez votre téléphone personnel aussi parce qu'il y a une question de sécurité de réseau. C'est des appareils qui peuvent se perdre. Donc, il y a quand même beaucoup d'éléments à prendre en compte. Mais ce qu'on sait, c'est que de plus en plus, c'est des appareils qui sont intégrés. Et donc, évidemment, si ces appareils-là sont de plus en plus intégrés, ça veut dire qu'aussi, il y a de plus en plus d'offres qui se fait au niveau d'application, de développement d'outils pour répondre à ces nouveaux besoins-là, une question d'offre et de demande, finalement. Il y a tellement d'applications, surtout, j'imagine que si on développe dans le domaine de la santé, il y aura encore une fois plus d'applications qui vont se développer là-dedans. Je suis tombé sur le chiffre de 17 000. Présentement, c'est quand même pas pire. Ça, c'est dans les différentes boutiques du marché. Ce qu'on dit, c'est que notamment dans la rubrique santé de l'App Store iOS, il y en aurait 6000. Il y a énormément d'applications en français, en anglais. Bien entendu, ça amène un autre problème. Entendu, dans certaines conférences, on disait, oui, c'est gentil les applications, dans certaines publications scientifiques, mais peut-on bien les encadrer aussi? Parce que ça ne veut pas dire que parce que l'application est santé, que l'application marche nécessairement et répond entièrement aux impératifs de santé. C'est comme les autres applications, c'est pas parce qu'on en a une que c'est elle qui fonctionne le mieux. Exactement. En santé, il ne faut pas qu'il y ait de marge d'erreur. Non. Parce que, je veux dire, 10 % dans la vie, pour des petites applications, ça ne change pas grand-chose du côté marge d'erreur, mais en santé, quand on parle de prendre la tension artérielle ou autre, ben, on ne peut pas avoir de marge d'erreur parce que c'est la vie d'une personne qui est en jeu. Donc, il y a ces questions-là aussi qui sont soulevées, mais reste que, donc, de manière générale, on sent que ce développement-là se fait et soutenu. On parle d'une hausse de pratiquement 30 % qui est attendue cette année. Dans des organismes comme Trend Watching qui surveillent justement les tendances, il est bien nommé, ils disent, regardez, c'est une des tendances qui est à surveiller pour cette année, pour les prochaines années, vraiment, le développement d'applications en santé. Et parallèlement, c'est aussi que toutes les possibilités des téléphones intelligents peuvent aussi être intégrées à certains degrés en pratique de santé pour détecter, enregistrer, mesurer. Donc, exemple, des appareils pour la cataracte ou qui permettent d'effectuer une échographie portable. On ajoute une lampe LED pour des photos d'échantillons sanguins. Alors, il y a moyen de transformer un peu ces appareils-là, de les bonifier ou de les accrocher à d'autres appareils pour permettre un contrôle à distance. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont explorés et éventuellement, ce serait intéressant de voir justement de quelle manière il y aura une régulation. Peut-être autour de ça, c'est effectivement aussi des pistes de recherche qui pourraient potentiellement être explorées dans différents cadres. Économiquement, est-ce que ça vaudrait la peine? Selon certaines études, oui. Selon certaines études, oui. Évidemment, on parle d'efficacité médicale, libérer des lits et autres, donc de faciliter certains soins à distance. C'est toute l'idée de télémédecine qui peut être appuyée par le téléphone intelligent. Parallèlement, il y a un magazine qui s'appelle Computer World qui a publié une étude qui disait notamment que les hôpitaux dont l'informatisation avait été améliorée 10 points ont vu leur taux de mortalité chuter de 10 % donc pratiquement du 1 pour 1. Est-ce que c'est des statistiques qui sont viables à grande échelle ou non? Ça reste à voir, mais ça montre que peut quand même y avoir un impact assez positif. En matière de coûts également, ce que l'étude disait, c'est que le gain était appréciable en suivant le degré d'informatisation, l'économie par patient qui peut être supérieure à pratiquement 1,72 $. Donc aujourd'hui, la multiplicité des acteurs, des initiatives qui conduisent à repenser la coordination pour évoluer vers un système de santé interopérable partagé par tous qui pourrait effectivement, selon certaines analyses, représenter une économie quand même assez intéressante. Alors, c'est à surveiller parce que certainement, ça va arriver. Je pense que le gros bémol et la grosse part, c'est vraiment la sécurité. Qu'est-ce qu'on fait si un pirate informatique rentre dans les dossiers? Mais bon, on trouvera bien un moyen à ce moment-là, j'imagine. Exactement. Les réflexions sont en cours et l'intégration de ces éléments-là, en tout ou en partie, à certains degrés, se fait déjà ici comme ailleurs. Donc, on est rendu là et les réflexions ont lieu au moment où on se parle. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On retrouve les chroniques sur la page Internet de l'ITIS. Oui, au www.itis.ulaval.ca. Allez dans la section Actualité TI, vous allez trouver la plupart des éléments dont on traite là, dans les chroniques ici à CKRL. Merci beaucoup, Raymond. À la semaine prochaine.